Allez, bonsoir à toutes et bonsoir à tous et bienvenue dans Girondin Analyse sur RIG 90.7 FM et sur RIGFM.fr. On est ensemble comme tous les lundis, tous les vendredis ou presque, quand il n'y a pas de problème technique, 21h-23h, pour débriefer l'actualité des Girondins de Bordeaux. Et ce week-end, l'actualité nous a mené du côté du stade Geoffroy Guichard à Saint-Étienne, où les Girondins ont ramené le point du match nul, 2 buts partout. On va évidemment y revenir dans la première heure de l'émission. Il y aura plein de choses à dire, notamment sur la faute grossière, expulsion de Nicolas Palois, les pénaltys, sifflé, pas sifflé. Voilà, qu'est-ce qu'on a pensé de la presse, qu'est-ce que vous avez pensé de la prestation des Girondins qui ramène un point de Geoffroy Guichard, mais faut pas se mentir, c'était quand même pas la folie sur le terrain. Et puis on évoquera en surface très rapidement, vu que l'expulsion de Nicolas Palois va directement impacter sur le match de Marseille, dont on parlera énormément vendredi soir. On reviendra également en deuxième heure sur les féminines qui sont allées gagner justement à Marseille à la toute dernière minute, à la 88e minute, un très joli but d'Emeline Laurent qui leur permet de ramener la victoire. Et donc, il y a encore un infime espoir, une chance de maintien pour les féminines des Girondins. On vous expliquera où elles joueront leur prochain match, contre qui. Vous verrez tous les... Voilà, on vous expliquera les enjeux. C'est pas bien compliqué, hein. En gros, faut gagner. On se posera la question également des prolongations, des fins de contrat. On reviendra sur, notamment, plus particulièrement sur celle de Cédric Carasso. Doit-il être annoncé cette semaine avant Marseille, et plus globalement, hein, sur Twitter, on vous a posé la question, les fins de contrat doivent-ils être réglés avant la fin de saison ou faut-il attendre après la fin du championnat? Et on reviendra également sur, évidemment j'ai perdu le fil du truc, donc je ne l'ai plus, mais je vais le retrouver, oui voilà, sur en cas de 6ème place et donc de Coupe d'Europe, mais pour ça il faudrait que Paris batte Angers en finale de Coupe de France, ce qui, on va pas se mentir, a quand même plus de chances de se produire que l'inverse. Estimez-vous que Bordeaux aura fait une bonne saison? Et on terminera par le traditionnel C'est Kiki. Vous pouvez nous joindre pour réagir à tous ces sujets ou à autre chose si vous avez envie de parler d'autre chose au 05, enfin en ce qui concerne les Girondins évidemment, 05 56 35 31 31 pour nous joindre en direct. On salue également nos amis du chat qui sont présents ce soir. Bonsoir à vous tous. Il y a Mathieu, il y a Marcel, il y a Sip, il y a du monde qui va nous rejoindre également. Bonsoir à vous. Vous pouvez également nous joindre. Voilà, avec moi ce soir, il y a autour de la table 3 individus jeunes, beaux. De sexe masculin. D'un sexe masculin. A commencer par Cyril. Ça va Cyril? Bonsoir tout le monde. Alors j'allais dire jeune, beau et avec des cheveux. Bon. Bah, j'ai à peu près tout ça. À peu près, ouais. Il vient d'arriver à l'instant, il branche son casque. Comme quoi, même en retard, il est à l'heure. Ça va Thomas? Bien. Ah, attends, j'ai pas allumé ton micro, excuse-moi. Voilà, c'est mieux comme ça. Ouais, parce que ça va mon grand? Ouais. Ouais, ça va, ça va. Pépère. Il est là également avec nous ce soir, le temps que je retrouve son petit jingle, et évidemment je ne l'ai pas, donc c'est pas grave, ça va Adriano? J'ai la pêche, mais avec vous, j'ai la super pêche. Ah, je savais bien qu'il allait nous... Tiens, regarde. Voilà, ça va. Et puis comme j'aime bien, on s'en remet en deuxième. Ça va mon grand? Ça va. Vivement coach, change ton... Alors Adrien s'est fait couper les cheveux. Ah ouais. Ce que je vais pas tarder à faire moi-même demain aussi, parce que c'est une cata. Mais enfin bon. Enfin, lui, ça lui prend 2 heures, toi, t'as pas. Ah oui, moi, ça me prend 10 minutes. Et 2 heures, il en est pas loin en plus. Non, mais ouais, mais Adrien, c'est la merde pour se couper les 10 cheveux. 10 minutes non, par centimètre carré, vous faites calcul. Faut faire des plans. C'est un chantier, ouais, je suis content, je reprendrai les mêmes. Toi, faut pas être coiffeur, toi, faut être tailleur de buisson. Oui, voilà. Faut appeler l'orthoprise. Paysagiste. Ouais, faut appeler un paysagiste. Ouais. C'est-à-dire qu'Adrien, c'est pas c'est un tailleuet qu'il faut pour... Et encore. C'est pas un rasoir, c'est un tailleuet. Ouais, d'ailleurs, dans la facture, on lui facture une tondeuse avec à chaque fois. Mais une vraie tondeuse. Tu sais qu'il y a 2 mecs à temps plein, quand même. Ça, c'est la classe, mon gars. Avoir des coiffeurs perso, ça va être le luxe ultime, mon gars. Ouais. T'as ton coiffeur perso chez toi. Je demanderai à François si c'était bien. Bah oui, à 9000 balles la coupe, ça peut, ouais. Alors, messieurs, Marcel dit « Ok, il commence par parler cheveux, oui ». Nous changeons totalement l'axe de l'émission. Quand t'en as plus des cheveux, tu sais. Et c'est là que tu... c'est quand t'as plus que tu rends compte de ce qui te manque. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme tout. C'est dommage, y a pas Marc dans cette émission. Oui, c'est dommage. Alors Marc a une astuce, je vais vous le dire parce que je l'ai vu hier. Marc, il a une astuce et je pense que je vais l'adopter aussi pour les gens qui ont plus trop de cheveux comme il moi et pas Marc. Le crâne. Il faut non, peu... non, c'est le Trump. Tu le prends de derrière, tu rabats. Trump R. Non, mais c'est même pas. C'est tu te rases juste ce qui est trop là en fait, ce qui fait que ça atténue les trous sur le côté. Tu vois ce que je veux dire? Les trous que t'as là, du coup, sont moins gros et du coup, ça atténue un peu. C'est une astuce que nous vous donnons. Nous allons donc faire toute la première demi-heure avec notre invité du soir. Donc c'est Jacques Desange, évidemment, et Jean-Louis David. Je vais pas dénoncer, mais il y en a autour de la table qui on attend qu'il fasse la Coupe de Nas, hein, qu'il avait perdu un pari. C'est qui c'est pas c'était quoi le pari Thomas? Le pari c'était 6-1. Paris enfin, c'est pas... Il avait dit non, mais c'est pas si facile, le Thomas, pari prend 6-1. C'est quand même plus facile de faire la Coupe de Nice pour toi que pour moi. Ah oui, c'est clair. Oui, mais toi t'as pas la matière. Bah, disons qu'à la base faut être équipé si tu veux. C'est un truc bon, c'est voilà, faut avoir voilà. Voir de la matière, voir du volume. comme dirait mon coiffeur. Heureusement que j'ai la casquette là. Ouais, bah oui, c'est clair. Pourquoi? Sinon, dessous, t'as tenté un truc et c'est chaud ou... Non, c'est juste que là, il y a du volume. Ah, il y a du volume. Bon, c'est génial la radio libre, les gars, mais bon. Il y a du volume. Il y a du volume. Ouais, d'ailleurs, on va appeler Default. On va appeler Default. Alors, messieurs, on va commencer donc par... j'ai rien oublié. Non, il n'y a pas de questions que personne se pose, il me semble. Donc, c'est réglé. Le débrief de Bordeaux. Saint-Etienne, Bordeaux. Je vais commencer par vous donner quelques stats rapides, histoire de se remettre un petit peu ce qui s'est passé. Les stats, vous allez voir, c'est pas la folie du tout. S... S, T, voyelle, A, T, S, 5 lettres, stats, les stats de Rico. Alors, les stats, vous allez voir, c'est très simple, la possession est stéphanoise, ça à la limite, pour une équipe qui joue à domicile, c'est normal, c'est du quasiment dessus du 57-43. Saint-Etienne a tiré 15 fois au but et a cadré 5 fois, un tir sur 3. Bordeaux a tiré 11 fois et a cadré également 5 fois, donc c'est du quasiment 1 sur 2. Au final, quand tu vois le match, tu te rends compte que sur les 5 tirs, c'était plus dangereux pour Saint-Etienne que pour Bordeaux, surtout à la fin. Mmh. Oui, non. Oh, enfin, il y a quand même, une sortie, une grosse parade. Il y a Ruffier qui sort. Il y a Ounas qui en a une en première. Ouais. Ruffier, il a un putain de réflexe. Ou il doit peut-être la donner en retrait, même lui, non, il a dit après. Le retrait, lui. Conférence de presse. Qui s'en voulait justement de pas la... Est-ce qu'on parle bien de la même action au moins? Mais quand tu vois que le mec il anticipe le défenseur central, ce qu'il aurait peut-être fallu qu'il fasse, c'était plutôt la piquer plutôt que la jouer à du sol. Ou la lever un peu. Tu mets un grand sac sous la barre. Non, pas forcément, mais tu fais une petite louche là, ça suffit. Au final, voilà. Au final. Alors, tiens, j'aimerais qu'on. Enfin, on y reviendra un petit peu plus sur Alamounas qui a commencé son match à gauche, si je dis pas de bêtises, pendant 10-15 minutes. C'était carrément pas bon. Et puis hop, il a changé avec Malcolm, il est passé à droite et là d'un seul coup bizarrement c'est allé beaucoup mieux. Donc on connaît son poste c'est à droite, il aime bien piquer dans l'axe, essayer de rentrer pour tenter sa chance, on l'a bien vu. Et puis le centre qui fait pour le but de Gaëtan Laborde, voilà, on le voit. C'est... Alors non, pour juste bon match, pour vous lancer sur le match, si on raisonne juste en termes de résultats, c'était le deuxième match d'affilée des Girondins à l'extérieur, donc Bordeaux a ramené deux fois un point. À Dijon, c'était quand même assez miraculeux. Là, à Saint-Etienne, bon, ok, on marque deux buts, on fait 2-2. Il y a des faits de match, il y a des faits de jeu, des pénaltys sifflés et pas sifflés pour Saint-Etienne, on va y revenir. C'était quand même pas jojo. J'ai l'impression que depuis le match de Nice, Bordeaux n'y est plus du tout en termes de jeu et de production de jeu. Ce qu'on avait très bien fait depuis janvier jusqu'à mi-avril, on va dire, on a fait 3 gros mois et demi. Est-ce qu'on n'est pas en train un petit peu aussi de le payer sur ces 3-4 derniers matchs? Parce que c'est quand même inquiétant. On en reparlera vendredi, on ne va pas parler de Marseille maintenant. C'est quand même, voilà, on a une semaine du match, donc c'est un peu tôt. Mais quand même, je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, sur ce match-là, j'étais quand même assez inquiet de la qualité du jeu produit par Bordeaux. En même temps, tu connais les Girondins. Tu sais qu'on est irréglé depuis le début de saison. Voilà, on a commencé très très mal. Puis on s'est bien repris en janvier en faisant 3 mois excellents. Voilà, il faut bien forcément qu'au bout d'un moment on ait un petit coup de mou, mais ça ne va pas casser la dynamique. Encore une fois, je pense que les Girondins, voilà, ils arrivent toujours à tenir le score, on le voit. Et pour le match de Marseille, ça ne va pas changer les choses. Je pense que je pense que les Girondins seront à la hauteur et de toute façon il le faudra, c'est obligé. Ah bah oui, de toute façon vu le match qu'a fait Marseille hier, il va falloir faire beaucoup mieux que ce que t'as montré à Saint-Étienne. Merci, c'était très moche hier. Adriano, c'était un match compliqué. Il y aura une info pour toi, tu sais Adrien, dans cette émission. Ah, un oui. joueur qui va peut-être être prêté un an de plus. Oui, je sais. Prépare ton masque. L'abstinence. Alors, Saint-Étienne. Saint-Étienne, c'était un match compliqué. Après, Bordeaux, on a retrouvé son défaut. Ça veut dire que, surtout en deuxième mi-temps, on subit au départ à l'entrée de la deuxième mi-temps, mais on arrive à marquer derrière. Et puis derrière, on recule. On avait cette manie en début de saison. On l'a reprise là. Mais après, on fait match nul. Et c'est correct. Saint-Étienne a fait un assez bon match. Bon, un très bon match, en seconde, surtout sur la seconde mi-temps. Mais c'était leur dernier match. C'était presque le match de la survie pour eux. Donc il y avait peut-être une motivation différente. Bon, au final, ça leur a pas tellement servi puisqu'ils sont éliminés de la course. Alors. Ils étaient chez eux. Alors, dans un contexte un petit peu particulier, pour ceux qui ont vu le match à la télé, c'était un stade plein, mais dans une ambiance de huis clos. Puisque et les Ultramarines, et les Green Angels, et les Magic Fans, le match se déroulant le 5 mai, avaient décidé de faire, d'être présents, mais de ne pas chanter. Voilà. En respect aux victimes de Furiani en 92. Donc c'était une ambiance de huis clos assez terrible parce qu'on a l'habitude des matchs à huis clos maintenant malheureusement. Mais avec du monde, c'est encore plus perturbant. Ah ouais, c'est clair. Alors t'avais des petites poussées évidemment sur certaines actions de Saint-Étienne, tu vois les gens qui s'enflamment un peu, mais sinon pas là, pas d'animation, pas de chant, pas de. Et j'ai envie de vous dire au final, c'est peut-être pas plus mal parce que avec Geoffroy Guichard, un petit peu chaud bouillant, je suis vraiment pas sûr que tu arrives à ramener peut-être qu'en première mi-temps ça te motive aussi en même après, temps quand tu vois la saison de Saint-Étienne tu sais qu'ils ont des limites tu peux te dire que voilà le 12e homme peut être là mais les joueurs s'ils font pas le taf t'inquiète pas que le score ne changera pas. Après, tu peux avoir le meilleur public du monde si t'as une équipe de pipe, t'as une équipe de pipe. Après, on se boycotte aussi un peu le match hein, parce que le premier but, faut pas oublier que. On se saborde, tu veux dire plutôt. Oui. On se boycotte. Oui, on saborde. Attends, je cherche un dictionnaire. Et je reviens. Le boycott, ça veut dire qu'on l'aurait pas joué quoi. Oui, mais on l'a pas joué. Hein. C'est les coiffeurs qui le boycottent. T'es toujours en droite. pas en lettres. Plus pour longtemps. non, c'est sur le premier but, Carrasso il fait une relance, il essaye de jouer propre, mais finalement il a une relance en touche et on se prend un but sur qui part d'une touche. Enfin, c'est inadmissible de se prendre un but comme ça quand on joue l'Europe. Et après, avec un peu moins de réussite, on se prend ce deuxième but. Voilà, c'est même s'il est entaché d'une main. Alors entaché d'une faute de main par Parjou. On aurait dû concéder un pénalty avant. Voilà. Alors on va dire que ça fait une erreur d'arbitrage partout et qu'au final bon ça voilà, ça s'équilibre un peu. Sur le premier, vous trouvez vraiment qu'il n'y a pas pénalty? Parce que pour moi non mais sur le premier pénalty Bordeaux pour moi. Ah pour moi il y a faute sur Levchuk sans problème. Ah mais même pas ça, pour moi il y a même main avant. C'est-à-dire que le Stéphanois dégage, rate son dégagement, ça tape sa main et ça va devant. Mais c'est involontaire. Il te dit une erreur partout, il parle du pénalty. Je parle surtout du pénalty non sifflé de Palois sur. J'ai mangé son nom, le pauvre garçon. Monet Paquet. Où là, pour le coup, il y a vraiment pénalty, c'est flagrant et on y échappe miraculeusement. Après, l'arbitre, on le savait, il était pas très bon, mais bon, après, Monsieur Schneider. Oui, c'est un match nul qui. Tiens, honnêtement, on s'en sort bien. Tu parlais du premier but, j'aimerais avoir votre avis parce que ça tombe bien que t'en parles. J'ai eu le débat à midi même avec mon papa qui nous écoute et que je salue. Bonjour papa, enfin, re pour le coup. Non, mais il me disait un peu ce que disait Adrien, il me disait le premier but. Si Carrasso il se déchire pas sur sa relance, ce à quoi je lui ai dit, oui, effectivement, certes, Carrasso il se déchire sur la relance et ça finit en touche, mais enfin, ça n'empêche quand même que c'est la touche derrière. Voilà, je veux dire, ça ne t'empêche pas de bien défendre sur la touche qui suit, même si c'est vrai que ça part peut-être d'une erreur de relance, mais enfin, quand même, ça ne te dédouane pas de bien défendre sur la touche, tu vois. Si à chaque fois qu'il y avait une erreur d'un gars derrière, il y avait but et puis c'était rien n'empêche. En plus, c'est pas une erreur majeure. C'est-à-dire que c'est pas comme si il tapait à côté du ballon que ça allait dans les cages ou. Non but, mais on l'a vu. On l'a déjà vu. Il est magnifique le but, il n'y a rien à dire. Je crois que c'est Ruffier qui avait fait ça il y a 2-3 ans, non ? Ouais, non, mais bon, moi j'ai surtout une image de Bernard Lama qui cherche à faire une talonnade sur Dugarry. Et puis, c'est le genre de geste, c'est une erreur qui te coûte cher. Ah, ça pour le coup, tu. Il dégage en touche, il rate son dégagement, on est d'accord. Mais bon, après, c'est le foot, c'est un sport collectif. Si à chaque petite erreur technique, on devait prendre un cajot et puis reprocher au mec qui a fait l'erreur technique et que ça dédouanait tout le monde. C'est pas tellement ça, Cyril. Moi, je suis en train de revoir le but actuellement. La grosse erreur, c'est pourquoi Palois et Contento, ils sont à deux sur le joueur et il n'y en a aucun des deux qui est foutu d'aller dessus. Ouais, après, sur Berich ou sur Amouma ? Sur Amouma. Parce que j'aimerais que vous me donniez votre sentiment. Moi, il y a quand même un truc qui m'a rendu fou quand j'ai vu ce match, Quand tu prépares ton match, tu sais, Saint-Etienne est une équipe qui marque, je crois que c'est à peine un but par match cette saison. Enfin, ils sont scandaleux niveau offensif. Donc, quand tu sais, on sait très bien que Amouma et Berich, ils seront titulaires. C'est les deux seuls joueurs à Saint-Etienne qu'il faut surveiller, c'est Amouma et Berich. Tous les autres autour, si Amouma, Berich, tu les prends bien, les autres autour sont inexistants. Que ce soit Monet Paquet, Malcuit qui a fait un match de fou. Merde, Malcuit quoi, on s'est fait mettre la misère par Malcuit. Il est très gentil, c'est un bon gars, mais quand même. Non mais moi je me dis, mince quand même, t'avais deux gars à surveiller, Amouma, Berich, et Amouma il a fait ce qu'il a voulu. Non mais. Notamment sur le premier but. Berich, pareil. Sur le premier but, il y a des joueurs que tu surveilles. C'est comme si tu joues contre Paris. Tu sais que tu vas surveiller Cavani et Di Maria, mais à un moment, ils te font un geste qui est d'assez. Non, mais là, Adrien, le geste que fait Amouma n'était pas marqué. Ou alors, s'il était marqué, qu'on me dise par qui, parce qu'il arrivait toujours aux 30 mètres. Mètres de Bordeaux, il n'y avait pas un mec sur lui à chaque fois. Il s'approchait du but 25-30 mètres, seul avec le ballon au pied, il faisait ce qu'il voulait. Mais après, le geste qu'il fait sur le but, quand même. Après, ça, c'est les consignes du coach. Le geste, il y en a une trentaine en Ligue 1 qui sont capables de faire ça. Oui, non, mais qui sont capables. Mais le geste, enfin, c'est une combinaison qui est bien faite. C'est surtout, surtout les consignes de Gourvenec. Je pense qu'il n'a pas demandé un pressing haut, ce qui fait que les joueurs. Alors, ça, je suis pas sûr. Alors, ça, je suis pas sûr, tu vois. Que Gourvenec n'ait pas demandé à jouer. Alors que c'est ce qui fait notre force depuis quelques matchs. Non, mais c'est justement depuis qu'on arrête de jouer haut qu'on a de grandes difficultés à créer du danger. Alors les joueurs ne l'appliquent pas. Mais peut-être que les joueurs actuellement sont dans un down physiquement et que du coup ils n'arrivent pas. Ils n'arrivent pas à presser haut et donc du coup, comme ils ne pressent pas haut, on a du mal Mal à ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Est-ce qu'on n'est pas un petit peu rôti aussi des 3 mois et demi de dingue qu'on a fait ? C'est quelque chose qui m'inquiéterait énormément que ça soit ça, parce que l'année prochaine, on va rajouter l'Europa League. Et si on n'est pas capable de gérer un championnat, qu'est-ce qu'on va aller se casser le cul à jouer une Europa League ? Parce que clairement. T'auras pas le même effectif non plus. Alors, ça, je suis pas d'accord avec toi, parce que moi, ça m'étonnerait que M6 nous permette d'avoir 5 ou 6 joueurs de plus dans l'effectif. On sait très bien qu'il y aura plus de départs que d'arrivées. C'est comme ça à Bordeaux depuis des années. Et donc, du coup, moi, ça m'inquiète. Si c'est ça. On a un groupe de 30 joueurs, sachant qu'il n'y en a que 20 qui ont la place de jouer en Ligue 1. Il va falloir un peu dégraisser. Oui, mais ceux qui vont partir, c'est pas forcément ceux qui sont pas vendables. Faut se faire une raison. C'est ceux qui sont en fin de contrat ne seront pas renouvelés, sauf peut-être Carasso. Sinon, les autres ils l'auraient été avant. Parce qu'il y a qui ? Cabouni, Belé. Non, Cabouni, il reste un an, je crois. Cabouni prend la direction de l'Espagne. Ah. Putain, sérieux ? Son contrat n'est pas renouvelé. T'as un club ? Qu'on rigole ? Liga Segunda. On est bien, oui, heureusement, j'ai eu peur. Mais je crois que t'allais me dire Séville. Non, mais la D2, c'est bien pour lui. Ah oui, les Espagnols, c'est bien. C'est déjà très bien. Pour revenir sur Saint-Etienne, c'est quand même. Il y avait quand même la place parce que les seules 10-15 minutes où on a fait en début de deuxième mi-temps où on fait ce pressing haut, tu voyais que voilà, dès que tu gênais les relances, il n'y a pas de mystère dans le foot. Dès que tu gênes les relances de l'adversaire, tout de suite, bam, tu récupères plus haut le ballon et tu peux te projeter plus vite vers l'avant. Mais on l'a pas vu suffisamment, quoi. On l'a vu 10-15 minutes, pas plus, sur une heure et demie de jeu. C'est pas suffisant, quoi. Mais après, on a retrouvé ce que faisait Bordeaux il y a quelques semaines. C'est pas étonnant. Malcolm n'a pas été au niveau. Enfin, à son niveau. C'est quelqu'un qui te permet de distribuer le ballon et tout ça. Il a 40 matchs. Donc pour un gamin de 19 ans. Oui, non, mais c'est ça. Mais je peux pas lui en demander trop. Mais c'est juste un constat. C'est pas un énorme reproche. C'est voilà, sur ce match, c'était moins bien. On fait 2 matchs nuls à l'extérieur, même si Dijon a pris une petite fessée à l'allant. Un petit 4-0 propre. À Guingamp, ils avaient fait un match solide là, chez eux. Même si, bon, on aurait pu, si on avait été, il y avait une meilleure circonstance, gagner le match. Mais finalement, voilà, on est presque sur un rythme de 2 points par match en 2017. Pour y être, il faudrait qu'on gagne nos 2 prochains matchs. Non, c'est une continuité. À l'extérieur, on ne peut pas tout le temps gagner non plus. Il ne va pas falloir jouer les non plus difficiles quand on voit notre première partie de saison. C'est comme ça. Comme tu le dis. C'est plutôt encourageant, la dynamique sur laquelle on est. Donc, Si on fait 36, parce que pour moi, il faut 37. Au moins 4 points. Il faut au moins 4 points avant, pour la fin de saison. Si on fait 36 ou 38 points sur 2017, si on fait 38 points, ça, c'est excellent. 38 points pour une équipe qui avait fait que 25 points en première partie de tableau et qui, en deuxième partie, fait 2 points par match, ça serait très bon. Mais, moi, il y a quand même un truc qui m'inquiète, les enfants. Je prends les résultats depuis Angers en Coupe de France où tu perds 2-1, ensuite tu vas perdre à Nice, tu bats Montpellier. Alors attends, ah non, là je remonte le temps, pas bon. 3-4, 2017. Tu fais 3 victoires de nul. Oui, pardon, tu fais 3 victoires de nul. Oui, mais ok, 3 victoires de nul, les stats c'est très bien. Non, mais d'accord, ok. On n'est pas le Paris Saint-Germain, maintenant parlons des matchs. Parlons de Bastia où tu fais une première mi-temps, mais catastrophique. Parlons de Nantes. Mais Nantes, c'est compliqué. T'es pas flagrant. Parlons de Metz. Je suis désolé. Il y a quand même des trucs. 0-0 à Dijon. Si Carasso il sort pas, je pense que pour lui c'est le match de l'année. C'est pas 0-0 que tu pars. Et Saint-Étienne, c'est pareil. Alors moi je veux bien. Ok, 3, c'est vrai. Sur en termes de points, t'es présent. Mais c'est la question que je vous posais tout à l'heure. À un moment donné, je pense que ça va péter et j'ai très peur que ça pète très prochainement. De toute façon, l'Europe elle est assurée. Donc, de toute manière, le seul truc qu'on a, 5e, 6e place, on va dire, c'est l'aspect financier. Ouais. Parce que clairement, en matière d'Europa League, ça sera exactement la même chose puisque le 5e et le 6e devront faire 2 tours pour se qualifier pour le... Non, plus qu'un, je crois. Non, 2 tours. Parce que l'effet sur Monaco et Lyon, ça sera l'année prochaine, en 2018-2019. C'est quoi ça, l'effet de quoi ? L'indice. L'effet de l'indice. Mais je crois que ça a changé dès l'année. Ah oui, oui, parce qu'on est passé... On est passé 3e. Du coup, voilà, le seul gros enjeu, clairement... C'est le match de Marseille. C'est le match de Marseille. Tu gagnes Marseille, tu te replaces et tu es dans l'impératif de faire un résultat à Lorient... Tu ne gagnes pas contre Marseille. Tu peux espérer un faux pas sur le dernier page de Marseille, donc, mais qui recevra Bastia. Tu n'es plus maître de ton destin et tu perds contre Marseille à domicile. Ça serait quelque chose de difficile quand même pour nous. Mais grosso modo, ton Europa League est assuré, ta saison est terminée. Oui. La bonne nouvelle de ce match-là, entre guillemets, c'est que tu as définitivement éliminé Saint-Etienne de la course à l'Europe. Ils sont à 7 points maintenant. Ils sont à 7 points, il en reste 3 matchs et je pensais qu'il en restait que 2. Bah, il y a le match en retard face à Monaco. Mais... Alors après, attention, c'est toujours pareil. À voir si Monaco joue Saint-Etienne en étant champion. Monaco n'a que 3 points d'avance sur Paris, c'est ça ? Non, oui, ils ont 3 points d'avance. Ça veut dire que Monaco-Saint-Etienne, ça peut être le match du titre ? Monaco-Saint-Etienne, ça sera le match du titre. Ça peut nous arranger. Ils n'ont qu'une victoire à faire vu que en fait, Paris. T'imagines la fin de saison calamiteuse ? Le week-end prochain, imaginons les deux gagnent, ils n'ont toujours que 3 points d'avance, donc Monaco devra gagner contre Saint-Etienne. Paris, il faut qu'ils prennent 4 points de plus vu que par rapport à Paris. Après, mais rassurez-vous, je pense que Monaco, la Ligue des Champions, c'est fini mardi. Hein. Ou pas. Hein. Ou pas, mais bon, ça va être quand même très compliqué. Donc, mais bon, après la remontada, j'ai envie de te dire que Saint-Etienne, il joue Paris aussi. Hein. C'est clair. Tu sais pas, Buffon, il arrive. Saint-Etienne, il joue Paris aussi. Bras, Ah oui, donc oui, ça, j'avais pas. Oui, Saint-Etienne joue le PSG aussi, apparemment. Donc, frappe de Mbappé, ça tape le coup de Buffon. Bam, il est obligé de sortir sur civière. Derrière, Chiellini pète les plombs. Premier rouge. Moi, il a déjà fait, il a pas pris le rouge. Tout ça au bout de 2 minutes. Moi je suis Jardim, je dis jouer tout sur Chiellini, les gars. Tout sur Chiellini. Mais bref, passons, revenons au match. Après, ce qui est intéressant, et c'est ce que j'aime bien sur la situation actuelle, c'est qu'on se retrouve presque comme tous les Marseille-Bordeaux, où on a l'impression que Marseille est au-dessus, que ça y est, c'est cette année qu'ils vont le faire. Parce que ça, là, ça te ferait chier quand même. Et là, 40 ans. Non, parce qu'avant. On parlera de Marseille vendredi. Bah non, ça te fera pas chier. Si on avait gagné. Y'a que toi que ça fera pas chier. Non, mais c'est pas ça que je dis. C'est ça, après, ce que je dis, c'est pas une histoire de 40 ans ou de 41 ans. On a l'impression que Marseille va le faire. On n'a pas un sentiment de supériorité sur ce match. On doit absolument gagner. Enfin, absolument. On doit gagner. Sinon, Marseille, on en parle. Sinon, Marseille, on en parle vendredi aussi, quoi. C'est une obligation. Mais non, mais c'est voilà, c'est intéressant. Il va falloir c'est aller jouer à Lorient. À Lorient, tu crois que ça va être facile de jouer à Lorient? Mais c'est ça. Bon, s'ils gagnent ce week-end, c'est jamais facile de jouer contre des clubs qui jouent leur peau. Hein. On l'a bien vu. Ça se trouve le week-end prochain, le 8 juin 2008-2009, c'est pas facile. S'ils gagnent ce week-end, c'est mort. Enfin, c'est bon. Enfin, et du coup, Seb, moi j'ai une question. Oui. Toi qui est proche. Que personne ne se pose ou. Si, à mon avis, il y en a beaucoup qui se le posent. Mais toi qui es proche des. Ah, je sais ce que tu vas me demander. Est-ce que tu sais si cette semaine il y aura une petite expédition? Alors, est-ce que je sais? Non. Par contre, ce que je peux. Bon, à titre personnel, j'ai pas encore été prévenu. Après, ça veut pas dire qu'il y aura rien. Mais aller à chaque avant-match de Bordeaux-Marseille, je sais pas, c'est ça a été fait ces dernières années. Ben parce que on était aussi, rappelez-vous, à quand tomber ces matchs-là. À chaque fois, c'est parce que voilà, on était en difficulté, que ça allait pas bien, que fallait absolument gagner. Là, c'est dans un contexte différent. C'est pas une enfin, y aller, ce serait peut-être, je trouve moi, hein, je trouve que ça serait personnellement une mauvaise idée d'y aller. Ça serait rajouter une pression supplémentaire. Les joueurs. Ils savent très bien qu'il faut battre Marseille, ils le savent, on n'a pas besoin d'y aller à 300 pour leur dire hey, « il faut battre l'OM ». Ils le savent, vous inquiétez pas. S'ils veulent être, voilà, ils le savent très bien qu'il faut battre l'OM. Donc honnêtement, je ne sais pas, j'en sais rien du tout. Peut-être qu'il y aura un communiqué dans la semaine qui tombera ou pas, je ne sais pas du tout. Pour l'instant, il n'y a rien de, voilà, il n'y a rien d'officiel, il n'y a rien de prévu. Donc voilà, j'en sais pas plus, à voir. Niveau Carasso, il n'y a pas de... ça ne bouge pas. Enfin, il y a pas, vous allez pas. Ah non. D'ailleurs, non, c'est le débat de deuxième heure. C'est le débat de deuxième heure. Ah bah oui, mais c'était le débat de deuxième heure où on se demandait est-ce que le club justement doit officialiser les fins de contrat, doit régler les fins de contrat avant la fin de saison, notamment Cédric Carasso, ou pas. Ça pue. Ça pue. Après voilà. Il bon, y aura le nouveau maillot. Et il y aura le nouveau maillot. Ah bah tiens, en parlant de nouveau maillot, il y a Sip qui nous met... Et le deuxième maillot sera renouvelé, sera prolongé. On le savait grâce au petit Alex, nous, mais c'est vrai qu'après... Oui, le petit Alex de nos amis de devant le match qui bosse à la boutique. Le maillot qui... blanc et rouge, il va être... Ouais, qui est renouvelé. Le blanc et rouge est renouvelé, c'est vrai que le petit nous l'avait... Alors ça, j'ai pas compris pourquoi, parce qu'il change tous les ans. Non, mais le maillot away, souviens-toi, il y a jusqu'à très très récemment... Et le garnet ? C'était tous les deux ans, après depuis 2012... 2012-2013, j'aurais préféré qu'il garde le bleu. Moi. Vu qu'il vendait pas du tout de maillot Puma, les renouveler tous les ans. Pour en ceux 2008, sur le chat, il y a. D'ailleurs, il y a Girondin Info qui ont mis une photo. Alors, il y a un visuel, je l'ai sous les yeux, c'est un visuel, c'est juste un encart où on voit, bon, grosso modo, il n'y a pas de changement, hein, c'est un fond bleu marine avec un scapulaire blanc, le petit logo Puma et puis le blason du club, donc ça serait un délire, voilà, bleu marine, scapulaire blanc. Alors c'est un scapulaire avec des petits pixels, enfin pas des pixels, des petits. Ouais, c'est un gros scapulaire, non mais c'est un scapulaire large normal, mais on dirait que c'est des petits carreaux. Des pixels, ou... Non mais tu sais c'est les trucs un petit peu comme les ballons et compagnie. Ouais voilà bon ça c'est a pas comme, l'air. Comme des trucs d'abeilles là. Enfin ça a l'air bien. D'abeilles. Si c'est ça, ça a l'air honnête. Si c'est ça. Et puis le deuxième oui devrait rester normalement le maillot extérieur. Et le troisième devrait être jaune et mauve. Et le troisième devrait être à vomir. Oui parce que là quand même. Et le quatrième Europa League parce que sûrement qu'on aura un quatrième maillot puisqu'il y aura l'Europa League. Bah non. Mais si. Bah, t'as le troisième. Oui t'as le troisième et t'as un quatrième pour les campagnes européennes maintenant. Ah bon mais qu'est-ce que tu racontes le troisième il est fait pour ça. Souvent maintenant ça fait un ou deux ans que les clubs ont quatre maillots pour l'Europa League. C'est bon, ça va. Alors bientôt t'auras un pour l'extérieur, la Coupe de France, alors un pour la Coupe de la Ligue, un pour la Coupe à Dudule. C'est bon, faut arrêter. C'est ça le commerce. Oui, ceci dit, si tu veux faire des choses, maillots au moins, t'es sûr. Mais pas tellement, c'est pour ça. Plus t'as d'offres, plus tu as des choses de les vendre. Cette année, ça doit bien marcher, t'inquiète. Comme dit Martin, si Ménès c'est le prochain Balotelli, pourquoi pas. Sur il y a eu un bug ou un manque de communication. On n'a pas communiqué sur Twitter pour l'élection. Alors, on va le faire entre nous. Du banderole et du bide. Alors, le banderole, c'est pas compliqué. On a fait les notes de l'équipe GIA et on vous a proposé deux noms. Enfin, pour le coup, on vous a pas proposé deux noms. Tu peux déjà le mettre sur le chat et puis. C'était Carasso. Oula, je vais faire ça. Ou non, c'est ça. C'était Carrasco et Ounas pour le banderole. Pour le banderole, ouais. Les deux, alors on va parler de ces deux joueurs-là. Carrasco qui est sur 3-4 matchs, là, plutôt, voire même peut-être un peu plus. Plus qu'intéressant, il a encore sauvé la baraque. Et Ounas qui, donc, fait un début de match un peu compliqué côté gauche. Hop, il alterne avec Malcolm côté droit. Et là, ça va beaucoup mieux. Il marque son pénalty. Free Ounas. Propre, tranquillement, sans trembler, assez serein. Et puis il donne une petite galette à Plazil qui la met à la board. Et donc comme il fait un bon match, il se pète l'épaule derrière. Et comme il fait un bon match, il se pète. Est-ce qu'on a des nouvelles d'ailleurs? On sait ce qu'il a ou pas? Ça ressemble énormément. La guigne. Ça ressemble énormément à sa blessure de l'année dernière, où à la sortie il se tient la clavicule. À mon avis, ça doit être une luxation. D'accord. Donc pour vous, allez, tiens, je vais vous demander votre avis un par un. Cyril, toi, si t'as à choisir entre homme du match, Carrasco ou Ounas. Ounas. Ounas, tout simplement parce que voilà, et puis ça fait plaisir. Je préfère mettre quand même un joueur offensif. On marque deux buts, il fait la différence. Ça fait un moment que on était sur le Camano Malcolm et qui était un petit peu dans une forme descendante. Pas de peau, il se blesse, donc voilà. Et Camano, on va reparler aussi de son entrée. Donc du coup voilà. Donc plus Ounas que j'ai trouvé encourageant. Petit. Parce qu'il n'y a pas que ça, parce que si jamais sa petite frappe il a aimé, ça peut être un super but. Il est capable de débloquer des situations tout seul. Le gros problème qu'il y a, c'est que le foot, c'est pas tout seul. Et ouais, mais bon, c'est con pour un sport co, quand même. Donc c'est un bon match parce que derrière, il n'y avait pas forcément de folie, mais ça serait bien qu'ils prennent en compte des fois l'aspect collectif. Thomas, Carrasco ou Ounas? Bon, toi, évidemment. Ounas, il n'y a pas à discuter. Ah. Non, mais il manque plus que la coupe de cheveux. Quoi. Non. Non, mais faut être honnête. Non, il a fait un bon match. Honnêtement, vous connaissez mon avis sur ce garçon. Quand il fait des choses bien, faut le dire aussi. Et Adrien, voilà, il a fait un bon match. Si Marseille, voilà. Non, il a fait un bon match. Si Marseille gagne, Adrien, il fait la coupe à Baffet Team Bigo. Avec le bandeau et tout. Ah ouais. Vous me rajoutez des dreads et tout. Oh, ça peut être très dur. Ça va être ouais. Sur des implants capillaires là, tu vois. Ces implants. Avec des extensions. Mais oui. Là, ok, je deviens noir. Bon, par contre, malheureusement, il y a un truc que t'auras beau te le laisser pousser sans 7 ans, je crois pas. Arrivera au même résultat. Non, donc Ounas, oui. Oui, et d'ailleurs, Ounas. Vous trouvez pas qu'il apporte vraiment quelque chose depuis quelques matchs? Si, il apporte, et en plus dans son discours a l'air d'avoir vraiment changé. Enfin, moi j'ai l'impression ça à chaque fois, mais non. Et à chaque fois ça repart en rire. Non. Bah oui, c'est vrai. Mais là son discours a changé et pour l'instant. Non mais c'est bien, il était réaliste. Il a dit que cette saison il a pas été à la hauteur, voilà. Que. Une fois qu'il a arrêté les interviews à la télé. Oui, qu'on arrête de l'interviewer, qu'on le laisse tranquille. Plus quand il te dit ouais, l'objectif c'est de venir gagner, mais que si on perd pas déjà c'est bien. Grosso modo, il a tout dit. C'est de la langue de bois de footeux, c'est pas méchant. Bon, hein. Si on nous offre la victoire, ok. Adrien, Ounas ou Carrasco? Ounas, mais ce match a participé à changer ma vision par rapport à Carrasco, sans prolongation. Et vous pensez que Ounas il peut venir bousculer l'ordre des choses et se gratter une petite place de titulaire à la place de Camano avant la fin de saison ou l'année prochaine? En vue du match de Marseille là, ah non. Ça sera Camano, ça dépend s'il est blessé ou pas. Oui, après mais voilà, ça dépend sera Camano si Vada. Mais pour moi les deux qui étaient remplaçants seront il a joué pour faire reposer Vada et faire jouer. Moi le gros problème d'Ounas que j'ai c'est son remplacement défensif, et encore une fois sa position, ok, elle était très haute et compagnie, mais le fait qu'il ne revienne pas et qu'il ne redescende pas, ça n'a pas permis à Sabali d'être totalement libre sur son côté. Et du coup on a vu un Sabali qui était un peu plus sur son frein sur ce match là c'est vrai que je me posais la question en regardant le match, pourquoi Sabali était moins bon. Mais c'est vrai que comme parce que offensivement Ounas a fait le taf, défensivement mais c'est pas ça, c'est moins serein. Il y a des automatismes avec Malcolm, on le voit comme un virtuose. C'est vrai qu'il est capable de faire de très belles choses, il a un excellent pied gauche, mais c'est aussi un des premiers à toujours se replacer, à toujours venir couvrir Sabali quand il monte. Malcolm, il est quand même très très rigoureux dans le replacement tactique. Puis au niveau offensif, c'est différent. C'est pas forcément un joueur qui prendra systématiquement le couloir. Il va plus se remettre dans l'axe et permettre à Sabali de... Un peu 10. On va passer, messieurs, au bide. Alors, bon, à la base, on voulait vous proposer 4 noms. Et puis, je viens de me rendre compte à l'instant que c'est un peu stupide. On voulait vous laisser le choix entre Malcolm, Plazil, Levchuk, Palois. Bon, je ne vais pas faire de tour de table parce que je pense que tout le monde va me dire Palois. Enfin, sauf s'il y en a un qui veut me dire Levchuk ou Plazil ou Malcolm. Ah, c'est réglé, il se rattrape un peu, donc bon, allez, c'est en moyenne. Carré, c'est pareil, si tu vas par là, en première, il a du déchet, en deuxième, ça va mieux. Levchuk, Palois, ils ont été un peu secoués. Alors même s'ils ont quand même, dans l'ensemble, ils font pas un match nul. Je veux dire, Palois, t'enlèves l'expulsion de Palois, il fait pas un match catastrophique. Ça fait des semaines, je le répète, il est trop dangereux. Il ne sait pas se maîtriser, ce mec, il y a un problème. Ouais, mais enfin, c'est pas le premier joueur de foot. C'est un central à l'ancienne, quoi. C'est un central à l'ancienne. Attaquons le sujet d'entrée de jeu, comme ça, on l'évacue en deux minutes. Là où la plupart des supporters, et même, je sais pas, pour ceux qui ont vu J+1, si t'as pas vu la séquence, c'est lui, je te conseille de. Ah, c'est Levchuk qui était visé. Apparemment. D'accord. Parce que je sais pas si t'as vu J+1, Cyril, mais il y a une séquence à la fin. Je regarde pas, moi, je suis pas Canal. Donc. Oui, mais sur les séquences. J'ai vu le truc. D'accord. Il pourrait préciser quand même qu'il parle pas de Palois et qu'il parle de Levchuk, parce que franchement, la façon dont c'est présenté, tu te dis que le pauvre Palois, il va passer une sale soirée. Et en fait, c'est Levchuk qui a passé une sale soirée. Mais après, les deux. Palois, voilà, il fait cette erreur. C'est habituel, c'est un tacle non contrôlé. Je me demande notamment s'il n'y a pas faute avant. Non, mais c'est même pas la question que tout le monde se pose, c'est pourquoi. Moi, ce que j'ai envie de te dire, c'est que je peux comprendre un gars qui va me faire un geste, il va péter les plombs et compagnie. Mais je là, comprends. Je pense pas qu'il pète un plomb. C'est juste mais le problème qu'il y a, c'est que là, t'es à la 92e. C'est un débile mental. C'est t'es ça. T'es à la 92e, il y a 2-2. T'es long le mec, de la ligne. Il est au poteau de corner. Il y a tout l'allant à côté. Il y a rien. C'est-à-dire que dans une semaine, il y a Marseille, il sait très bien que Levchuk est suspendu. Il va me faire ça, mais je pète les plombs. Moi, je pète les plombs. Là, je serais pour lui mettre de l'électricité sur le périnée, tu vois. Et pendant continu pendant 2 heures. toujours dans la mesure. Hein. Non, mais par contre, franchement, quand Cazard il se fout de sa gueule, qu'il prend pour un imbécile, au fond, je crois qu'il a raison. Le mec, on va pas insulter les gens. Il est très très bon. Honnêtement, c'est notre meilleur défenseur, à pas se leurrer. Le mec, dans l'intensité. Mais c'est que c'est pas sa première fois. Oui, à Rennes, il bouscule l'arbitre. À Toulouse, il va foutre une claque. Il se fait ouvrir le pied à Rennes quand même. Quelqu'un de nerveux. Il se fait ouvrir le pied à Rennes. Oui, mais quand il se fait ouvrir le pied, après il va bousculer l'arbitre. C'est une demi-heure après. C'est pas quand il se fait ouvrir le pied. Par contre, Toulouse, c'est quoi? Je me rappelle pas. Toulouse, à la fin du match, il a collé une baffe à Braithwaite à 4-0. Ah ouais, j'avais pas vu le match. C'est peut-être pour ça que je m'en souviens pas. On reprochait de pas avoir de joueur de caractère. Oui, voilà. Non, mais c'est pas du caractère. Pour moi, c'est pas du caractère. C'est pas ça. Avoir du caractère. Didier Sénac ne faisait pas ça. Didier Sénac te cassait la jambe. Bah ouais, mais alors lui il préfère. Attendez. Voilà. À Bordeaux, on dit oh, Roll, Jurietti, machin. À un moment donné. Sénac, c'était des bouchers 10 fois pire que Palois. Sénac, il le faisait pas sur Bordeaux Saint-Étienne, quoi. Il te faisait ça sur Di Maria ou je sais pas qui. Ouais, il te l'attrapait, il te le sciait, il t'expliquait que la fin du match, mon gars. C'est... Mais oui, mais par contre, j'espère qu'il prendra pas plus de 2 matchs. Hein, parce qu'il y a certains joueurs qui après, oh, matchs, y a, il blesse. Attends. Oui, non, mais après, il blesse pas le joueur non plus. Il faut arrêter. Non, mais Di Maria a pris 2 matchs. Oui, mais Di Maria, c'était sa première suspension. Oui, mais Di Maria, il joue pas du tout le ballon. Palois, il joue pas le ballon. Si on va par là. Il le défonce. Si on va par là, les enfants, ça veut dire que Palois, la dernière fois qu'il est passé devant la commission de discipline, c'était lors de la 2e journée pour Toulouse, on est d'accord, puisque Rennes c'était l'année dernière. Ça veut dire que la commission de discipline, ça fait 33 matchs que Palois il a rien eu avant. Ce que je veux dire, il c'est qu'il fait un rouge, il fait un hippon sur. Oui, non, mais. Mais ça, à la limite, tu vois, enfin, c'est pas tellement. Le fait qu'il contrôle. Oh putain, il y a le double de Cyril sur le chat, c'est Marcel qui met oh Didier Sénac, le seul, l'unique Didier Sénac. C'est ton double ou comment ça? C'est un frère jumeau? En fait, ouais, on est connectés. Ah ouais, mais là, totale connexion. Non, mais voilà, mais après, Moi, ce que j'ai du mal à comprendre, c'est ça. C'est-à-dire que tu vas me bousiller un mec à 2-2 alors qu'il n'y a pas de danger. Non, mais c'est débile. Et à la 95e minute. Et à la 92e. C'est vrai que c'est dommage. On vous a posé la question toute la journée sur Twitter. Enfin, toute la journée. Tout après-midi, du moins, sur Twitter. On vous a demandé si, pour vous, le cas Nicolas Palois, son exclusion à Saint-Étienne, vous aviez trois propositions. C'était une faute professionnelle, le signe qu'il doit quitter les Girondins ou un handicap avant Marseille. Alors, évidemment... Mais non, mais c'est pas... Moi, c'est pas tellement... Évidemment, alors ça s'est joué à pas grand-chose, hein, parce que c'est 42% pour le handicap avant Marseille. Bon, j'en doute un peu. 40% pour la faute professionnelle et seulement 18%... signe qu'il doit partir. Moi, c'est exactement ce que je suis, je pense, dans ce truc-là. C'est-à-dire que voilà, ok, on sait que le mec, une ou deux fois dans la saison, il peut péter, il peut dégoupiller. C'est pas Cahuzac non plus, tu vois, hein, qui en prend 4 lui en un mois. C'est pas, il y a des joueurs bien pires que Nicolas Palois en Ligue 1. Cahuzac, c'est différent. Cahuzac, c'est parce qu'il parle trop. C'est encore pire, lui. Oui. Et Cahuzac, ouais. C'est la plupart de ses cartons, c'est surtout parce qu'il discute et fait des fautes dans le petit jeu. Après. Voilà, ce qui aggrave ça, c'est que en plus Levchuk est suspendu. Levchuk est pas, il y aurait eu où Levchuk était non, là pour Marseille, non, bon, on se serait peut-être moins focalisé là-dessus. Quand t'es un cadre de l'équipe, non, que tu sais que Levchuk est suspendu, tu dois pas perdre les nerfs comme ça. Mais je pense pas qu'il. En plus, sur l'action, je pense même pas qu'il perd les nerfs. Non, je pense pas qu'il y va pour le défoncer. Je pense qu'il y va pour vraiment jouer le ballon. Mais vous avez vu son geste ? Il le charcute. Mais vous rigolez, mais à aucun moment il n'est pas contrôlé son geste. Mais je vais voir si trop fort, mais je pense mais pas que ça soit sur l'énervement. Mais il n'est pas contrôlé son geste, il ne s'arrête pas, il ne ralentit pas sur son geste. Mais oui, il tacle trop fort, mais c'est pas loin. Il tacle pas trop fort, je te dis juste qu'il ne contrôle pas son geste. Mais c'est pas de l'énervement pour moi, c'est qu'il a. C'est ce que les arbitres appellent excès d'engagement. À un moment, dans l'excès d'engagement, quand tu sais que tu es en retard, la plupart essaient de retenir le pied. Il touche le ballon, je crois. Alors, je vais regarder le résumé, je vais vous dire ça. Quelques secondes. Par contre, derrière, pourquoi Veretout pour un pas rouge ? Ça, c'est un mystère. À un moment donné, il faut arrêter avec ça. Sachant qu'il y en a un qui a eu très très chaud aussi dans le match, en début de match, je sais pas si vous vous souvenez, c'est Laborde qui met une espèce de semelle sur le pauvre, c'est qui ? C'est Pajot ou je sais pas qui ? Perrin. Ou Perrin. Ou si la cheville. Heureusement, la cheville, elle tourne pas. Si la cheville, elle part, Après, voilà, l'arbitre, il a été gentil. Là, par contre, on appelle ça de l'excès d'engagement. C'est-à-dire que le mec essaie de contrôler le ballon. Derrière, il retient pas forcément. C'est vrai qu'à vitesse réelle. Il le découpe. Est-ce qu'il touche le ballon ? Alors, à vitesse réelle, honnêtement, c'est dur à dire. Je vais revoir le ralenti. À vitesse réelle, le ballon dévite sa trajectoire. Alors, après, est-ce que c'est le pauvre. C'est qui le jeune qui se fait découper ? Pierre Gabriel. À revoir au ralenti. Non, mais ça mérite rouge. Alors, à revoir. Évidemment, ça mérite rouge. Non, Adrien, il touche pas le ballon. Le ballon lui passe sous le pied et il découpe. Non, il touche pas le ballon. Il le touche pas du tout. Il va pour jouer le ballon, mais il le touche pas. Non, mais à un moment donné, il contrôle pas. Non, mais il perd les nerfs. C'est pas possible. Je pense pas que c'est pas un geste comme ça. Oui, puis surtout que t'avais Contento et Toulalan autour qui pouvaient. Voilà. Comme ça, non, comme mais c'est... Attends, d'où il touche le ballon ? Il le touche pas. Allez, on va passer. Alors, tiens, avant de terminer, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter qu'on n'aurait pas dit sur. Avant de passer aux filles. Par contre, voilà, les latéraux, moi j'ai trouvé ça. Défensivement pas trop mal. Contento, Contento, c'est en première mi-temps il a un peu travers. Hein. Ouais, mais le relation. Problème c'est qu'il a pas forcément de mecs avec qui combiner encore une fois et c'est une question d'équilibre. À mettre en relation avec les matchs des milieux de terrain qui ont vraiment. Ouais. Voilà. Non mais je pense que si les latéraux ont été moins bons c'est aussi à cause des ailiers qui ont. Par contre il y a vraiment alors là du coup je vais retomber un petit peu, je vais faire mon élise. Dans tes travers. Mais à chaque fois que Vada est absent quoi on dénote un problème de liant au milieu de terrain. Ouais. On n'arrive pas à faire. Faudrait faire la stat de voir tous les matchs où il n'a pas été titulaire et voir les résultats. Après, voilà, il est en train de prendre une envergure. Tu sais quoi faire de ta soirée. Et c'est là que tu te rends compte qu'en fait de l'importance qu'il a pris. C'est-à-dire que sur des matchs où il n'est pas bon, on commence à critiquer, mais dès qu'il n'est pas là, tu vois une différence. C'est vrai que ça manque de cohésion au milieu quand il y a Plasil plutôt que Vada. Après Plasil, le problème de Plasil, c'est que peut-être c'est pas son poste. Si on demande à Plasil de faire du Vada, il n'est peut-être pas capable de le faire. Le problème, c'est que Plasil a peut-être un niveau physique à l'heure actuelle qui n'est pas. Ouais, voilà. Il tient plus un match entier, Plasil, on sait. Mais il ne peut sait, pas faire le boulot défensif et offensif en même temps. Mais c'est pas ça, c'est qu'à un moment donné, il est peut-être à un degré d'intensité qui est peut-être trop bas pour la Ligue. C'est-à-dire que aujourd'hui, ce qu'on te demande à fond, et peut-être que le à fond de Placeville, ben, il n'est pas nécessaire. Ou sur 20 minutes. Ouais, voilà, ouais, il n'est pas. Bon, je suis content, il fait une passée, oui, bien placée. Alors. C'est le genre de passe-dé qui te plaît, c'est une passe-dé à la Téline, ça. Ouais, ouais, il reste 9 minutes. Franchement, si tu commences à balader sur Téline, tu peux balader sur n'importe quel joueur, mon pote. Hein. Il reste 9 minutes avant la pause. On va parler des féminines, puisqu'en deuxième heure, à moins que je vous lance sur non, les fins de contrat, ça sera trop long, et la sixième place, ça sera trop long. Donc, on va parler des féminines. Les féminines, donc, qui. Jouer ce week-end à Marseille. Marseille-Bordeaux, elles l'ont emporté à la 88e minute sur un but tout plein de sang-froid d'Emeline Noran. C'est un petit mini miracle, mais... une jolie balle en profondeur. Elle se retrouve toute seule face au gardien. Petit plat du pied, elle a juste côté droit. Ça fait 1-0. Et Bordeaux revient de Marseille avec les points de la victoire. Ce qui fait qu'au classement, les enfants, le FC Metz est dernier. Les Girondines sont 11e et leur rival pour se sauver, c'est l'AS Saint-Etienne. Bordeaux a 14 points, Saint-Etienne a 15 points. 9e, Rodez, ils sont inatteignables avec 18 points. Et la bonne nouvelle, pour ceux qui vont aller voir Bordeaux-Marseille dimanche soir, et ben dimanche, vous pouvez aussi aller à 15h voir le dernier match des Girondines. C'est face à Juvisy, gros club. Juvisy qui est 5e de ce championnat. Ouais, mais pas avec un nombre de points excessif. Le problème, il est très simple. Sachant que dans le même temps, Saint-Etienne va à Marseille, qui reçoit donc deux fois de suite Bordeaux et Saint-Etienne. Il ne faut pas que Saint-Etienne gagne à Marseille et Bordeaux doit, quoi qu'il arrive, de toute façon, impérativement battre Juvisy pour... Un match nul ne suffirait pas ? Non. Un match parce qu'elles ont une différence de... Alors, ça va jouer un ou deux buts près. D'écart. Bah, elles ont moins 27 Saint-Etienne et si moins 29 Bordeaux. Si Saint-Etienne perd les deux prochains matchs... Ah, parce qu'il y a encore deux matchs ? Oui. Oui, ah bon, oui, j'ai dit le dernier. Paris. Non, je me suis trompé, c'est Paris. Le prochain match. Voilà. Ça va, Paris, c'est une petite. Donc en gros, Bordeaux doit absolument. Il y aura la Ligue des Champions féminine. Oui, elles ont la finale Ligue des Champions féminine. Donc Bordeaux doit absolument battre Juvisy pour espérer se maintenir. Et puis Marseille doit se rattraper de son faux pas face à Bordeaux. Et Juvisy, c'est à Bordeaux. Oui. Alors où est-ce que c'est à Blanquefort ou pas? Je n'en sais rien. À Blanquefort. Mais c'est à 15h. Donc ceux qui veulent enchaîner les deux, vous pouvez. Hein, 15h, 17h, vous sortez du défi. Hop, vous partez direct à. Surtout que c'est pas stade. Très loin. Surtout c'est par derrière, par derrière, c'est vous accéder directement au parking. Bah écoutez, c'est à côté de la radio. Voilà. Nous on met quoi pour aller au stade? 10 minutes, même pas. C'est vraiment à côté. Et du coup, vous rentrez. En plus, c'est l'entrée parfaite pour aller au parking. Oui, en plus, tu arrives directement du bon côté. Donc, est-ce qu'il y a des raisons encore d'espérer ou ça va être compliqué? Je vais essayer de trouver le dernier match de Saint-Etienne aussi. Agenda, hop là. Voilà. Elle joue contre Paris. Alors, oui. Bordeaux, donc Juvisy. Le dernier match est plus tranquille pour eux. Ben, c'est ce que je suis en train de rechercher. J'essaye de... Ça va être un truc plus tranquille, je sais plus quoi. Mais... J'essaye de voir la. Je sais plus quoi. Marseille, je crois. Ah non, non. Non, mais alors, ce qu'il y a de bien, c'est qu'Adrien est présent avec nous. Adrien, il... mais... Non, mais je sais que c'est tranquille. Son corps est là, mais sa tête n'est pas là. Non, mais c'est pas Juvisy, ni Paris, ni Lyon. Ok. Okay. C'est Paris-Rhône, c'est pas malade de lui. Merci Adrien pour cette intervention. Non, mais sur 12 clubs, j'en élimine 4. C'est Paris-Rhône, c'est pas Valladolid. 5 avec Marseille. Non, elles reçoivent Guingamp. Pour leur dernier match, les Stéphanoises, elles reçoivent Guingamp, ça sera le 25 mai. Elles peuvent toujours gagner contre Guingamp. Donc en gros, Bordeaux a une infime chance. Non, il y a 25%. Grosso modo, si déjà Bordeaux bat pas Juvisy. Voilà, tu sors des pourcentages comme ça au calcul mental. Oui, mais on rigole Paris, mais Bordeaux n'a perdu que 1-0 mercredi dernier, c'était à Libourne, ouais, face à Lyon. Alors, aucun de nous n'était au match, on va pas se mentir, mais des retours que moi j'en ai eu, des comptes rendus, des machins, elles ont fait un très gros match face à l'Olympique Lyonnais. Pourquoi elles pourraient pas refaire un très gros match face au Paris Saint-Germain? Et en plus, Paris qui n'aura rien à jouer. En championnat, vu que Lyon a été. Et sacré. Paris qui n'aura rien à jouer après, si ce n'est une finale de Ligue des Champions. Ce qu'il y a, c'est quoi là? C'est que de toute façon, c'est un état d'esprit. Elles sont dans la lutte. Voilà. Et puis, tant qu'il y aura quelque chose à jouer, il faut qu'elles le jouent. Et puis, pour ne pas avoir de regrets. Après, à la fin de la saison, si jamais il y a un malheur, ben, certaines partiront, d'autres resteront. Mais il faut au moins vivre l'histoire jusqu'au bout. Quoi. Sachant que les Stéphanoises qui vont recevoir Guingamp est 7e. Donc c'est abordable pour les Stéphanois. Dire, voilà, veut, après on sait que dire, bon. Parce que moi il me semble qu'il y avait des matchs qu'on disait que c'était abordable contre Albi et compagnie. Ah bah Soyo, ou... Albi, en fait, Metz. Elles ont raté le... Metz qui est dernier. Elles ont raté contre... Mais non, je crois que c'est contre Saint-Etienne et Albi. Oui, Saint-Etienne aussi, elles ont... elles ont eu deux matchs. Non, Metz. Elles avaient Metz, Albi et Saint-Etienne, je crois. Mais, enfin, voilà. Et elles ont raté, leur coup sur ces matchs. Elles ont eu la chance de pouvoir se rattraper, ce qui n'était pas donné. Voilà, maintenant, c'est à Blanquefort, Bordeaux-Juvisy. Peut-être qu'elle passe... dit Mathieu sur le chat. Qu'elle passe un cap pour finalement avoir rester en Ligue 1, vu que d'après les dires de l'entraîneur, dans le jeu, c'est ça. Mais il manque toujours quelque chose. Espérons que ce cap soit passé c'est quand week-end. C'est quand même un championnat hyper... c'est quand même, on se rend compte, un championnat hyper... c'est surtout hyper compliqué parce qu'il n'y a que 12 clubs. Une fois que tu as sorti les 4 gros, Montpellier, Lyon, Paris, Montpellier, Juvisy, à noter quand même que Marseille, qui comme Bordeaux est un promu, les filles de l'Olympique de Marseille sont 4e. Alors, elles ont investi, mais elles sont, pour un promu, elles sont quand même 4e. Derrière, des adversaires, des rivaux potentiels à battre, il y en a quand même beaucoup moins. Mais t'es pas loin, parce que cette année, si tu regardes les résultats, moi j'ai pas forcément suivi, mais il me semble qu'on prend pas énormément de branlées que ça. C'est-à-dire qu'en début d'année, on nous disait que on était condamné parce que tout le monde disait que Bordeaux avait pas forcément l'effectif pour, contrairement à Marseille qui avait énormément investi. Voilà, mais finalement, ça sort pas si mal que ça. Tu perds 1-0 contre Lyon. Apparemment contre le cours du jeu, tu fais quelques résultats, c'est juste que les matchs clés, tu les gagnes pas. Pour répondre à ta question, elles ont pris un à la maison, c'était leur deuxième match de championnat, elles en ont pris 7 par Saint-Etienne, ça a piqué, 0-7, pareil, concurrent direct, c'est-à-dire que ce match-là, tu peux te le manger. Elles en ont pris 8 à Lyon au match aller, et après 6 face au PSG, c'était à Bordeaux, et c'est les trois grosses tanasses qu'elles ont pris cette saison. Après, c'est du 1-0, 2-1, 1-0, 0-0, 2-1. Enfin, c'est que des scores à chaque fois très serrés. C'est pas, comme tu dis, c'est pas 4-5 buts à chaque fois. Enfin, moi, j'ai souvenir du football féminin il y a quelques années où c'était un fossé entre Lyon et Paris. Lyon a gagné. C'est ce que je dis, le niveau se resserre d'année en année. Mais c'est pour ça que c'est d'autant plus compliqué aussi. Vu que le niveau se resserre, c'est d'autant plus compliqué de... On verra. Ce qu'on sait, c'est que Ulrich Ramé est concerné par l'avenir des féminines. Donc même s'il y a un malheur et qu'on descende, je pense que le projet de remonter le club à court terme sera un objectif de ramer. Oui, parce qu'au pire, elles refont une saison en D2 en remettant des tannées comme elles ont fait l'année dernière à tout le monde. Oui, après, elles remontent. Ça sera peut-être plus compliqué parce qu'il me semble que le système c'est a évolué. Le championnat change, t'as raison. Il me semble qu'avant c'était des poules alors que maintenant c'est deux poules la dernière fois. Alors que maintenant c'est un championnat. Il faut gagner. Il faut gagner et puis. Pour répondre à Adrien, il y a quand même un truc qui est pas très rassurant. Je suis en train de regarder tous les matchs un par un. Bordeaux n'a gagné aucun match à domicile cette saison. Si. Non. Ce sera le premier. Non. Les résultats sous les yeux, Adrien. Elles ont gagné à Albi. Ouais. Elles ont gagné. Non, même pas. Elles ont perdu. Elles ont gagné à Metz. Elles ont gagné à. Saint-Etienne. Non, c'est comment ça le match à Marseille. Ah oui, je suis bête. Mais c'est pas grave, on gagnera à Paris. À Marseille, c'est les trois seules victoires qu'elles ont, après c'est des nuls. On gagnera à Paris. Mais elles n'ont gagné aucun match à domicile. Non, mais elles vont gagner parce que ce week-end, il y a Adrien qui va aller les voir. Et donc, du coup, j'espère. Avec la coupe de Baffé et Timmy Gomis. Adrien va faire la pom-pom girl, t'inquiète pas que ça va aller. J'espère voilà, que vous allez voir. Avec pom-pom girl à droite et à gauche, fumigène. J'espère qu'elles gagneront. Oui, je vais mettre des fumigènes dans mes cheveux. Des fumigènes, pas des fumigènes. Bref, messieurs, il est 21h55, c'est l'heure de la pause. On va se quitter là-dessus en espérant évidemment que dimanche avoir une belle journée avec la victoire des féminines face à Juvisy et la victoire des messieurs face à Marseille. Mais ça, on en reparlera vendredi. On va faire la pause. On se retrouve dans quelques instants dans Gironde Analyse RIG 90.7 FM et RIGFM.fr. À tout de suite. Les Girondins font partie de votre vie. Dites sur Gironde Analyse tout ce que vous pensez, en bien, en mal, et soutenez toujours les Girondins.